Bébé, je suis un lost, mon cœur est un glaçon. Et pour le réchauffer, c'est pas l'amour mélangé. En fait, que devant les pas que ma gueule. Je veux ce qui m'a baisé, police. Même si on est déjà maudit, je n'attends pas le bel avenir. J'attends que mes armées sortent en conduit. Comportement de bonhomme, Javi Ragazzi. Comportement de bonhomme, Javi Ragazzi. J'ai un pied dans le din et l'autre pied dans la femme. J'ai une main sur le cœur et l'autre main sur une âme. J'ai mille et une idée noire, j'ai peur de Dieu, j'en fais des cauchemars. J'ai tant qu'un rêve dans l'armoire. On veut tous percer comme El Chapo. Ralas, ralas, on te fait la peau. Frigo vide, mal au bide. Depuis tout petit, sur le bitume, on se fait des crocs. J'ai peur de Dieu, pas de l'homme. Vaillant depuis même. J'suis venu en France sans faf. Faut que j'reparte avec la somme. Pour prendre mon honneur, faudrait prendre mon âme aussi. J'annonce la couleur. Mélomane, comme j'aime Hachni. J'ai vu des frères s'entretuer d'un gros gars ennemi de notre œil comme un Wojiwa. Déterminé, déterminé, la peur n'est qu'un vulgaire détail dans mon vogue espoir. Aïe, aïe. Dans mon vogue espoir, j'protège la mif comme Corleone. Fidèle jusqu'à la mort comme Limon. J'suis un loup avec les loups, avec les putes mal dominants. J'protège la mif comme Corleone. Fidèle jusqu'à la mort comme Limon. J'suis un loup avec les loups, avec les putes mal dominants. Yeah. J'suis avec Pachinga en bas du bat. On élabore un plan gant pour leur faire du sale. Yeah. Bubble wet, harash stuff. VLG gang, VLG gang. Smoking food. Whisky jet. T'es ready or not? Whisky jet. Est-ce que t'es ready or not? Whisky blend. Croyons réussir, on la taille d'air, on la visse. Le démon mène la danse et tu connais la colère. Nerveux comme le taron, descendant de Boudjahed. Je vais t'enterrer vivant si tu touches à la daronne. Derrière les barreaux, mes frères bientôt libérables. Y'a que les SS qui resteront pour se la foutre dans le trou. Plus on boycott, plus je vais les baiser.